parlent tous de la même chose, au même moment, de la même manière en gros. C'est terrible, non ? le 22 septembre 1862, Abraham Lincoln, président des États-Unis, va prendre une décision historique. Nous sommes une minute avant l'abolition de l'esclavage. Esclave, je t'affranchis, tu es un homme libre. Merci. Mais quoi, ça veut dire que je ne ramasserai plus coton ? Eh ben voilà, c'est terminé. Fini les lumbagos. C'est génial. Et je ferai plus le ménage non plus ? Bah non, c'est fini, ça aussi. C'est super, ça. Et je brosserai plus les chevaux. Mais tu es libre, je te dis. Oh, merci. Merci du fond du cœur, merci. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Ben, dormir un peu. Je suis épuisé, moi. Bon, on se reverra, de toute façon, j'habite à côté. Ah non, désolé, mais vous pouvez pas rester ici, hein. Quoi ? Pourquoi ? Ben parce que quand on est un homme libre, on s'achète une maison et on vit pas chez son voisin, on s'assume. Comment je peux me payer une maison ? J'ai pas d'argent. Attends, vous avez pas mis 2-3 sous de côté quand vous étiez chez moi ? Ben c'est-à-dire que j'ai pas vu une pièce de monnaie depuis que je suis arrivé d'Afrique. Ah, vous avez tout claqué, c'est ça ? Flambeur, ben. Bon, je vais pas vous laisser tomber, qu'est-ce que vous savez faire ? Vous savez ramasser le coton ? Oui. Et le ménage et les chevaux, c'est dans vos cordes ? Aussi, oui. Ah ben écoutez, c'est incroyable, j'ai une place qui vient de se libérer, si vous voulez, elle est à vous. Merci. Ah non, mais ça me fait plaisir. Et alors, comment on fait pour le salaire ? $1 par mois, ça vous va ? Mais c'est de l'esclavage ! Impossible, il vient d'être aboli. Voilà. J'ai fini de récolter tout le coton de vos champs, maître. Maître ? Ah non, plus de ça entre nous. Appelle-moi patron. Dans la majorité des couples et dans toutes les civilisations, la femme est souvent inférieure par rapport à son époux. Elle est plus petite, à la limite du ridicule, plus fragile physiquement, évidemment, moins douée intellectuellement, en question de neurones, c'est pas très très fort, elle est moins riche et souvent de classe sociale moindre. La secrétaire, épouse le pharmacien, mais on voit rarement une pharmacienne épouser son boulanger. Spontanément, sans que l'homme le lui impose, la femme cherche à s'accoupler avec un homme qui sera son maître, plus grand, plus fort, plus intelligent, meilleur salaire, etc. Attention, ce n'est pas l'homme qui impose sa supériorité à la femme, mais c'est la femme qui cherche naturellement le mâle qui lui sera supérieur. Une femme attirée par plus petit qu'elle est une anomalie de la nature, tout comme l'homosexualité. Les mouvements féministes tels que la marche des salopes, ni pute ni soumise, les femmes, etc. Symboliquement, l'homme est associé au ciel, c'est-à-dire au monde spirituel, tandis que la femme est liée à la terre, à l'humus, c'est-à-dire au bas monde matérialiste. Le ciel apporte à la terre ce qui lui manque, à savoir l'esprit. La femme lève les yeux au ciel, en quête de Zeus, qui irradie la terre de son éclair séminal. Par nature, l'homme est un être spirituel, tandis que la femme restera un jardin stérile si elle n'est pas spiritualisée par une verge. Une féministe, par exemple, qui n'a jamais connu de mâle, sera toujours une poulette insipide. Et cet ordre de la nature ne sera jamais modifié par la théorie du genre, par exemple, par le mariage des homosexuels, par les matraquages médiatiques qui tentent en vain la féminisation de la société. Un homme sera toujours associé au cerveau, au ciel, tandis que la femme sera plutôt un utérus sur deux pattes, lié à la terre. Aucune loi humaine ne peut lutter contre l'ordre de la nature. Pour que les femmes atteignent la transcendance, elles devront se soumettre à l'homme, c'est-à-dire recevoir des coups de verge, enfanter et allaiter de leurs deux mamelles nourricières. C'est d'ailleurs ce qu'expriment inconsciemment les femmes en plaçant en avant leurs mamelles pour revendiquer des droits contre nature. Leur menstruation leur rappelle chaque mois qu'elles appartiennent encore au monde animal, mais il est bon de les humilier, davantage en les fouettant par exemple. Ce type de rappel purificateur doit être exécuté de haut en bas pour lui montrer que le salut vient du ciel et non pas de la terre. Les coups doivent évidemment rester symboliques et ne seront jamais appuyés, afin d'éviter une éventuelle rébellion qui provoquerait l'effet inverse d'une saine humiliation. Ils doivent être distribués avec douceur, amour et pédagogie. Et si tout se passe bien, après chaque flagellation, la femme devrait lever les yeux vers l'homme pour vous remercier, pour le remercier et réclamer quelques coups supplémentaires. Le but de l'humiliation est de rappeler à la femme qu'elle est nourricière, que c'est elle qui enfante, qu'elle porte des mamelles, bref, qu'elle est l'humus de l'humanité. Humus, humble, humiliation, humilité, ont la même racine étymologique qui signifie sol, la terre. L'homme est esprit et la femme est humus. Alors un petit mot sur ce qu'on vient d'entendre sur cette archive sonore. C'est bien entendu que c'est n'importe quoi, en tout cas moi je pense que c'est n'importe quoi, mais ce qui n'est pas n'importe quoi, c'est que ce monsieur qui dit ces choses ne rigole absolument pas, hein. C'est pas du tout une blague, alors que moi ça m'a fait éclater de rire. Dernière allumette, je craque. Un petit coup de blanc pour repeindre les histoires seules. Dernière allumette, je craque. Dernière allumette, je craque. Je pourrais faire un bon voyage. Voilà, et la musique qu'on entend là, c'est une petite vidéo qui se trouve sur YouTube. Et c'est plusieurs activistes qui ont déployé deux banderoles sur deux grues situées en face de la Commission européenne pour dénoncer les accords de libre-échange, TTIP et CETA. Donc c'est une vidéo qui a été ajoutée le 5 novembre 2016. C'est tout récent, ça vaut la peine d'aller voir. C'est des gens qui, en tout cas ça donne l'impression qu'ils se sont levés tôt le matin pour mener leur action là. C'est génial. Moi je trouve que ça sent bon l'air frais comme ça de gens qui se bougent les fesses pour pas laisser faire quoi. Je suis fort d'une communiste. C'est la mauvaise fée du monde. C'est la sorcière du monde. C'est la bêtise. Il n'y a pas de gens méchants. Il y a des gens bêtes. Mais c'est pas de leur faute. Il y a des gens qui ont peur. Ça, c'est de leur faute. Des gens qui ont peur et qui n'assument pas leur peur. Je crois que tout commence un peu comme ça. Enfin, ça, c'est un philosophe de déterminer tout ça. C'est pas à moi. Mais j'aime pas les gens bêtes. Parce que la bêtise, c'est de la paresse. On me fera jamais croire que... La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit « ça me suffit ». Ça me suffit, je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant « c'est pas assez, tu ne sais pas cette chose, tu ne vois pas cette chose, tu ne fais pas cette chose ». C'est de la paresse, je crois, la bêtise. Une espèce de graisse autour du cœur qui arrive, une graisse autour du cerveau. Je crois que c'est ça. Parc du Retiro, en plein centre de Madrid. Ce jour-là, c'est l'inauguration de la Fête du Livre, l'un des événements les plus populaires de l'année, auquel se rendent les plus hauts représentants de l'État, comme la reine Laetitia. Le protocole est bien rodé. Autre personnalité, autre style, à quelques mètres de là, dans la foule, Manuela Carmena, 72 ans, maire de Madrid. Élue il y a un an grâce au soutien de Podemos et des socialistes notamment, cette ancienne juge madrilène, sans étiquette, est l'une des figures de proue de la nouvelle gauche espagnole. Elle a gardé sa simplicité qui a amené de nombreux madrilènes à voter pour elle. Pour José, avec toute mon affection. Écoutez, j'ai 81 ans, j'ai toujours vécu à Madrid et vous êtes la meilleure mère qu'on ait eue. Merci, et vous, on dirait que vous avez à peine 70 ans. Manuela Carmena, c'est d'abord une façon d'être. Comme on le voit sur ces images tournées au lendemain de son élection, elle préfère prendre le métro plutôt que sa voiture avec chauffeur. Sa nomination fait prendre un virage radical à Madrid, bastion de la droite pendant 25 ans. Avec elle, c'en est fini de la politique très conservatrice et des scandales de corruption. Sur la façade de la mairie, une banderole souhaite la bienvenue aux réfugiés. Comment ça va ? Oh mon Dieu, quelle chaleur ! Allez, on y va. Derrière ces airs de sympathique grand-mère se cache une femme politique d'action. En un an, elle a réduit de près de 20% la dette publique de la ville et stoppé les expulsions dans les logements sociaux. Distrito está en una entrevista, ¿no? La puissance de la crise économique provoquée par la bulle immobilière a plongé certains quartiers dans une situation économique très précaire, en particulier les zones du sud plus défavorisées. Ma mission, c'est de réintégrer ces quartiers à la ville, non seulement pour améliorer leur niveau de vie, mais aussi pour leur redonner une dignité. Rétablir le lien social, c'est la priorité de la politique municipale de la première magistrate. Elle a débloqué 60 millions d'euros pour financer des initiatives portées par les citoyens. Ce projet participatif est très intéressant. Il a pour objectif de renouer les liens entre citoyens et argent public. Si les madrilènes veulent avoir un nouveau complexe sportif, une place ou un monument et qu'ils sont à l'origine de la démarche, alors je crois qu'ils en prendront beaucoup plus soin que si c'est quelque chose qui leur est imposé par les autorités. Ce projet a recueilli 5000 propositions, dont celle d'Antonio et ses amis. Des jeunes passionnés de parkour, de l'escalade sur le mobilier urbain. C'est ici, dans leur quartier de Vallecas, l'un des plus défavorisés de la ville, qu'un centre d'entraînement dédié à ce sport va voir le jour, grâce aux aides de la mairie. Ici, il y aura des obstacles de tailles différentes et de formes différentes pour qu'on puisse s'entraîner et sauter. On a établi un budget approximatif et les techniciens de la mairie nous ont aidés. On va toucher 150 000 euros. Là, c'est du concret. C'est la première fois qu'on aura quelque chose à nous. Et surtout, c'est la première fois qu'on nous écoute vraiment, que ce n'est pas que des paroles. Ce projet municipal est une première à Madrid. Il s'inspire d'opérations similaires menées dans les villes de Reykjavik et New York. Les premiers fonds seront versés en janvier prochain. Nous retrouvons Manuela Carmena dans un grand palace de Madrid. Ce soir-là, c'est elle, la vedette. Un grand quotidien de Madrid l'a désignée femme de l'année. C'est la première fois qu'une personnalité politique de gauche reçoit ce prix. Écoutez, en réalité, tout ça, c'est un peu curieux, parce qu'il y a un an, j'étais une juge retraitée, une personne âgée, sympathique, mais quasiment inconnue. Et du jour au lendemain, toute ma vie est exposée au grand jour, et il m'arrive de drôles de choses. C'est curieux. Restons comme nous sommes, comme nous devons tous être. Dans le public, El Langui, l'un des rappeurs espagnols les plus engagés politiquement. Dans l'un de ses clips, il se félicite à sa manière que la droite ne soit plus aux commandes de la mairie de Madrid. Comme beaucoup dans son quartier, le rappeur a voté pour Manuela Carmena, mais un an après son élection, il attend plus de sa part. Les quartiers ont besoin de son équipe. Il faut qu'elle travaille plus en profondeur dans les endroits problématiques où le trafic de drogue continue et où tous les jours des femmes luttent à mort pour sauver leurs enfants de ce fléau. Elle en a parlé dans ses discours. J'applaudis le changement, mais je te le dis, Manuela, viens faire un tour dans mon quartier pour voir l'état des rues. Attention, ne te repose pas sur tes lauriers. Traitée de naïve ou de rouge par ses opposants, Manuela Carmena s'estime à la hauteur. Elle rappelle volontiers qu'en tant qu'avocate et magistrate, elle a passé sa vie à résoudre des conflits. Micro ouvert. Bonjour Marie-Sophie. Bonjour Trisilla. Comment va ? Ça va très bien. Très bien ? Oui. Tant mieux. Je suis super emballée de te rencontrer parce que c'est un micro ouvert que j'ai pas trop l'habitude de faire. Là, on est chez toi et j'avais envie de te rencontrer parce que tu peins, tu fais de la peinture. Oui, je fais de la peinture et tellement beaucoup, j'adore faire ça. Et tu fais de la peinture et tu faisais aussi une exposition Place du Sablon il n'y a pas tellement longtemps. Non, c'est vrai, c'est pas longtemps. C'est Rue Sablon numéro 2, en fait. Oui. Place du Sablon numéro 2, c'est ça ? Oui, c'est ça, Grand Sablon. Du Grand Sablon. Oui. OK. De toute façon, c'est fini. Vrai. T'es plus là, maintenant. Non, c'est plus là, maintenant, c'est fini. Mais disons que là, il y avait un monsieur qui donnait l'occasion de pouvoir exposer. Bah oui, mais en fait, c'est pas un monsieur, c'est une femme. Bah oui, carrément, voilà. Pourquoi je pense que c'est un monsieur, moi ? C'est pas du tout. Donc c'est une dame. Et comment tu as rencontré cette dame ? Qu'elle ait eu envie comme ça d'exposer tes tableaux ? En fait, c'est une cousine, sous Germaine, à côté de maman. Et m'a proposé faire l'exposition peinture à son galerie. La femme qui garde la galerie s'appelle Isabelle Anné. Et c'est elle qui est faire l'exposition peinture. Et donc on se trouve dans ton atelier ? On peut l'appeler comme ça, là, cet endroit ? Bah oui, okay. C'est mon atelier peinture. Atelier peinture, et on se trouve en face de... Allez, vite, 3, 6, 9, il y a 12 tableaux ? Plus que ça, hein. Il y a 4 que ça encore. Hein. Ouais, et ceux qui sont au mur. Oui, il y a pas mal de tableaux, oui. Ils sont canons, ouais. Et je l'adore. Et est-ce que tu peux en décrire en tout cas quelques-uns ? Voilà, est-ce que tu peux décrire celui-là là ? Qu'est-ce qu'on voit ? En fait, c'est un bonhomme, avec des cheveux de pétard, comme un cheveu... Avec des cheveux en pétard, c'est ça que tu as dit ? Des cheveux en pétard, oui. Et pourquoi il a des cheveux en pétard ? Parce que c'est un cheveu sur la tête de Mathieu. C'est un cheveu sur la tête de Mathieu ? Oui, c'est ça. D'accord, oui. C'est la chanson, ça. Oui. Tu peux la chanter un peu ? Ok, n'est pas par cœur, cette musique-là. Oui, mais c'est de là que ça part. Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Je ne connais pas la suite, donc. Moi non plus, je ne connais pas la suite. Non. Donc, c'est un beau. C'est un beau personnage. Mais qu'est-ce qu'il a sur le ventre? Sa tête de mort, en fait. Ah ouais. Elle a des boucles d'oreilles, il a piercing à sa langue. Ah bah ouais, c'est un rock'n'roll, quoi. Là, oui. Ouais. c'est un personnage assez rocker. Ok, d'accord. T'étais dans ta phase un peu... rocker. Comme... Rocker. Ça doit être rocker. D'accord. Et ce personnage-là, ici, parce qu'il y a quelques personnages, et puis à part ça, c'est beaucoup aussi de tableaux comme ça, avec un peu abstrait, comme ça. Est-ce que tu connais le mot abstrait? Oui, abstrait, oui, je connais. Voilà. Parce qu'il suis alterné tous les couleurs ensemble, en fait. Ouais. J'alterne les couleurs, ça c'est le jaune, ça c'est le rouge, un peu de tout. Du vert. Du vert, et l'esprit, tout ça... sur la peinture, quoi. Ouais. Sauf là encore, on voit, comme, ça ressemble quand même à quelque chose. Là, c'est comme un. Moi, ça me fait penser à un gorille. Ah oui, un gorille, c'est ça, oui, c'est un gorille. Oui. C'est un gorille, mais c'est un monstre quelque part. Ouais. C'est un beau tableau que j'ai fait avec mes mains, avec mes talents. Ouais. Donc voilà. T'avais envie de sortir ton gorille? Oui, en moi, oui. J'ai mes griffes. D'accord. Et là, tiens, c'est un peu du collé. Oui, du collé, évidemment, mais c'est décollé. Papier collé. Genre, pour moi, c'est un clown. C'est un clown? Oui, t'as un clown. C'est un clown, et il a des lunettes, le corps, t'as tout, en fait. Et ça avait un personnage collé, en fait, tu vois. J'ai pris des formes de papier pour coller ses oreilles, en fait, tu vois. Donc, ouais, voilà. Là, je reconnais un soleil, ouais. Oui, c'est un soleil, là? En dessous? Oui, en dessous, oui, là, c'est un rayon soleil. T'as jaune, t'as un peu vert, un peu bleu, orange, blanc. T'as toutes les couleurs, en fait, dedans. C'est renimine le cadre. Ouais. Donc, voilà, quoi. C'est vraiment beau. J'adore ce tableau-là. Tu l'aimes bien? Oui. Et ici aussi, je vois que celle-là, c'est un peu plus noir. Il y a beaucoup de noir, là. Là, regarde. Tu peux raconter des choses sur ce tableau? Oui, c'est... En fait, je vais t'expliquer. Ce tableau-là, c'est... Ce tableau-là, c'est noir. Et en fait, j'ai mis les couleurs. En fait, j'ai mis les noirs et j'ai mis un peu de couleur au fond. Et ça tire... J'ai pris ma palette, tirer la couleur. De peinture, en fait, tu vois. Mm. Donc, ça change l'esprit de style de... Allez, il s'appelle Alinguski, tu connais? Non, non. C'est la même chose, mais c'est un peu basé sur ça, en fait. Ok. Donc, voilà. Bah oui, c'est un monsieur, quoi. Ah oui. Oui. Ah oui. C'est un monsieur. Un monsieur, oui. D'accord. Donc. Quoi, ça, c'est un monsieur. Oui, c'est un monsieur, oui. Et quoi, c'est sa bouche là, son nez, c'est ça? Oui, oui. Et tu as vu, ça, sa bouche, ça, son nez, t'as tout le visage, toutes les formes. D'accord. Eh ben moi, je te propose de discuter un petit peu. On va s'asseoir. Oui. Parce qu'après avoir fait le... Bon, on n'a pas fait tout le tour de tes tableaux, évidemment. Mais c'est riche, hein. Il y a plein de choses différentes comme ça. C'est à plein de couleurs aussi. Voilà, je crois que j'ai déjà dit. Il y a pas mal de peintures abstraites. Et puis des personnages un peu aussi. C'est vrai que là-haut, il y a des personnages. Avec ses cheveux mauves. Avec ses cheveux mauves, et c'est chouette. C'est chouette, c'est ça que t'as dit. C'est chouette, c'est assez intéressant. Donc, j'adore. Voilà. Et Marie-Sophie, ben, moi, je disais au début que je faisais un petit peu un micro vert particulier parce que je ne sais pas si tu vas être à l'aise de parler de ça aussi. Hein. Donc, moi, je fais un micro vert un peu particulier dans le sens que j'ai affaire à quelqu'un comme toi qui ben, t'es pas comme tout le monde. Est-ce que t'es au courant de ça ou t'es pas du tout au courant? Bah, c'est ouvert à tout, moi. T'es ouvert à tout? Oui. J'ai ouvert à tout. Comme ça, j'entends mes talents, mes peintures. Un peu un peu de tout, en fait. La super mission qu'on fait ensemble, donc c'est chouette. Mais du coup, moi, j'avais envie de plus parler de toi. Toi, Marie-Sophie. Ok. De toi, Marie-Sophie. Est-ce que tu remarques, est-ce que tu le sais, toi, Marie-Sophie, que tu n'es pas comme tout le monde? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Oui, ça va, tout le monde. C'est un handicapé. Et il ressent... Mais tu es handicapé de quoi exactement? Comment est-ce que tu vois que tu es handicapé? Handicapé... Je ressens que la haine. La haine? Oui, la haine. Tu ressens... Alors, j'ai pas compris. Tu as de la haine parce que tu es handicapée? Oui, c'est ça. C'est la haine handicapée. Ouais, c'est un gros mot, la haine. Carrément, quoi. Oui, carrément, oui. Parce que moi, j'en souffre beaucoup par rapport à mon handicap depuis longtemps. Et l'envie de dire, quoi, toi? L'envie de dire? Oui, d'exprimer qu'il ressemble au fond de moi, en fait, tu vois. Mais c'est ça avec, hein. Ah bah oui, il faut faire avec, t'as pas le choix. J'ai pas le choix. Non, je me sens un peu prisonnière, mais ah oui, tout. Ah oui? Tu te sens prisonnière? Oui, je me sens prisonnière, mais... Prisonnière de quoi, par exemple? C'est rien à faire, en fait, toi. Arrête, tu fais plein de trucs là. Tu fais de la radio, parce que ça on n'a pas encore dit, mais tu fais de la radio, de la peinture, t'es hyper dynamique. Arrête. Désolée de le dire, mais. Non, mais dis surtout ce que tu penses. Je dis ce que je pense, mais. Tu trouves que t'es. C'est pas ouverte à tout parce que mes parents n'ont pas confiance. Et j'ai adorable psychologue qui m'aide beaucoup. Elle s'appelle Muriel Ancin, et qui m'aide beaucoup par rapport à mon handicap, et je la remercie d'ailleurs. Elle m'a aidée dans des moments déprimes parfois, mais parfois des moments de tristesse, de la joie, d'amour, tout ça, à donner. Et je suis contente d'aimer ma psychologue, quoi. Me soutient beaucoup, en fait. Bah, tant mieux qu'il y ait des gens autour de toi, quoi. Oui, ça, c'est chouette. Oui. Mais tu te sens différente. Est-ce que tu te sens différente ou bien c'est les gens qui te renvoient que tu es différente à cause de ton physique ou de ta manière de parler? Est-ce que tu comprends bien la différence? Est-ce que tu te sens, toi, à l'intérieur, différente ou bien ce sont les gens qui te disent que c'est toi, de l'extérieur, que tu es différente? Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Est-ce que tu te sens différente de l'intérieur ou de l'extérieur? L'extérieur. C'est l'extérieur qui te renvoie ta différence, alors. C'est l'extérieur qui te dit, ah, cette fille, Marie-Sophie, on voit très bien qu'elle n'est pas comme les autres. C'est l'extérieur qui te le donne. Oui, c'est ça, oui. Parce que moi, je ne vois pas ma beauté, en fait. Toi, tu ne vois pas ta beauté? Oui. Toi, tu ne vois pas ta beauté. Tu la vis de l'intérieur, ta beauté. Oui, à l'intérieur, je ne la vois pas. À l'intérieur, tu ne vois pas ta beauté? Non. Non, ma psychologue me dit, pourquoi tu rejettes la faute sur toi-même? Et elle dit aussi que faut garder en soi ta beauté. Et moi, je ne vois pas la beauté. Toi, tu ne vois pas ta beauté? Non. Tu vois pas ta belle peinture, là, c'est tu pas, vois? C'est pas la même chose, parce que ça, c'est de mes talents, ça. Mais moi, la beauté, je la trouve pas intéressante du tout. Et c'est quoi ta beauté à l'intérieur? Moi, la beauté, pour moi, c'est important, c'est un sujet important. Et pour moi, c'est un peu compliqué à vivre, toi. Explique. Mais tu as quel âge, toi, Marie-Sophie? 31 ans. Donc, tu as un peu quitté quand même l'enfance. Tu es entre l'enfance, et l'adolescence et adulte, comme ça, c'est ça, hein? Tu es un peu entre les trois? Oui, un peu les trois. C'est très difficile, ça. Parce que mes parents, ils n'étaient pas ma bisexuelle. Ah, ouais. Mais non, en fait, elle dit pas ça, en fait. Elle dit seulement, mes parents voient pas ma vie normale, quoi. Comme les autres filles, quoi. Bah oui, oui, mais c'est justement ça qu'on essaye de discuter, toi et moi. C'est-à-dire que, comme les autres filles, est-ce que tu te sens comme les autres filles, en fond ? Non. Ah. Et pourquoi tu te sens pas comme les autres filles ? Parce que tout le monde ne comprend pas. Elle ne comprend pas parce qu'elle ressent que la pitié. Qui ressent de la pitié ? Les autres. Sur toi ? Sur moi, oui. Mais explique pourquoi de la pitié, pourquoi ? Parce que moi, ma Sophie, elle a tout ça, et elles sont jaloux, elles ont pitié de moi. Elles s'en foutent carrément de moi, quoi. Qui ça ? Les autres. Ah ouais, les autres s'en foutent de toi ? Elles me rejettent surtout. Ah ouais, mais quels autres ? De qui tu parles ? Mes parents, mais... Tes parents te rejettent ? Oui, me rejettent, oui. Mais non, arrête. Là, je suis sûre que non, arrête. Oui, un peu parce que eux n'ont pas confiance en moi. Et où tu trouves ces confiances ? Parce qu'ils n'arrivent pas à m'engueuler tout le temps, en permanence. Et c'est pas gay. T'aimerais bien qu'ils te fassent un peu plus confiance. Oui, c'est ça, oui. Comment tu pourrais arriver à leur montrer qu'ils aient un peu plus confiance ? Comment leur montrer qu'ils peuvent avoir confiance en toi ? Je sais pas si elle peut faire confiance en moi, mais parce que parfois, je n'irais pas mentir tout le temps, parce que je n'ai pas le choix de mentir. Ah oui, des fois, tu mens, du coup, pour te... Pour c'est pas le choix parce que je ne laisse pas m'exprimer, tu vois. Si, quand même, tu t'en sors bien, là, Marie-Sophie. Oui, ça va, c'est facile. Si mes parents viennent en face de moi et m'engueulent, comment tu veux m'exprimer ? Ça manque de communication. Ouais. Ça, c'est pas parler gentiment, pas en gueulant. Oui, oui, il faut apprendre à s'apprivoiser, apprendre à bien communiquer. C'est sûr que si toi, tu racontes des carabistouilles ou si tu mens, du coup, ils ont moins confiance en toi. Hein, et... elle a cru ça, en fait, mes parents, tu vois. A cru quoi ? Les idées de bobard tout le temps, de ça. Et c'est pas vrai ? Et c'est pas vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Non, mais... On parle sincèrement, et fais gaffe, parce que c'est enregistré et tout, hein, faut parler sincèrement. Oui. Mais faut... Donc moi, je te connais pas très clairement, Marie-Sophie. Je te croise de temps en temps à Radio Campus, pour une émission de radio. C'est comment le titre de l'émission ? Le titre de l'émission, c'est Radio Campus. Non, votre groupe, là. Ah, Rouspétard. Les Rouspétards, voilà. Et c'est une fois par semaine sur Radio Campus. Toi, tu vas à la radio une fois par semaine ? Tous les vendredis. Donc, voilà. C'est un chouette endroit, ça aussi. Oui, chouette. Donc, voilà, moi, je te rencontre à cet endroit-là, mais je ne te connais pas du tout. Et j'avais envie, un petit peu, par ta peinture, un petit peu savoir qui tu étais, toi. C'était quoi tes rêves, tes projets ? C'est quoi ? Comment est-ce que tu vis ? Justement ça, cet handicap, comment est-ce que les autres te voient, comment est-ce que tu te vois toi, quels sont tes projets dans le futur ? Projet ? Mon projet de moi, c'est un peu compliqué à dire, mon projet, j'ai envie d'être heureuse. Waouh, c'est pas mal ça. Oui, hein ? T'es occupée avec ton smartphone en même temps ? Bah oui. On entend ding ! On entend des petits bruits de sonnette. Mon rêve, mon plus cher, être heureuse. D'avoir un homme qui m'aime. Et c'est un... T'as des gens autour de toi ? Enfin, je veux dire, t'as un amoureux ou... Oui, j'avais un amoureux. J'ai quitté. Il y a longtemps ? Puis hier. C'est tout neuf, ça. C'est tout neuf, oui. Et comment c'est que tu l'as quitté ? Parce que notre relation est très difficile et ça avance pas. Et mes parents n'acceptent pas, ma vie a changé. Et donc, c'était pas mon amoureux. Et j'ai perdu ma bague de mon... Elle m'a donné une bague. Et j'ai perdu. Et ils ne trouvent pas. Je me rends folle depuis un mois pour trouver cette bague, de malheur. Et si tu ne trouves pas ma bague, je te quitte. Non. Et il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait pour me pour faire de mal à moi, pour trouver cette sous-pression, cette bague, quoi. Ah oui, si tu ne retrouves pas la bague, je te quitte. Et c'est fait. C'est fait. Et t'as pas retrouvé la bague. Non. Tu l'as perdue, quoi. J'ai perdu, c'est pas où, en fait. C'est ça, le truc. Zut, alors. Donc, voilà. Mais je trouve que, pour le peu de fois que je te vois, Marie-Sophie, t'as l'air... Ou bien c'est une apparence, mais t'as l'air quand même... comment dire ça, de bonne humeur, souvent, non? Tu rigoles, t'aimes bien rigoler. J'adore rigoler. Parfois, j'ai pas, c'est mauvaise humeur. Hein. Tu ne vois pas, c'est mauvaise humeur. Je peux casser tout, moi. Ah oui? Ouais, oui, oui, si en colère, c'est en colère. Et je gueule. Ah bon? Et qu'est-ce qui peut te rendre en colère? Les choses qui me révoltent. Je constate les choses, par exemple, j'ai vu... Quand j'ai vu quelque part une maison, elles ne sont pas parfaites, en fait. Qu'est-ce qui n'est pas parfaite? Oui, les gens qui l'habitent. Ah oui, les gens qui habitent dans les maisons. Oui. Dans ta maison dans les maisons. Non, ma maison. Elles ne sont pas parfaites en tout. Et ce n'est pas facile à vivre. Parce que un est un maniaque, et l'autre est tout le temps des commentaires sur tout. Qui vont tout vivre là-dedans sans provocation. Donc voilà quoi. Mais j'aime bien cette maison, hein. Elle adore l'endroit, elle est si contente, elle est heureuse quoi. Ouais. Mais sauf que seulement les deux filles doivent un peu changer en fait. Les deux filles? Les deux filles que je vis. Ah, tu vis avec deux filles ici? Non, en fait, pas ici, mais j'ai une autre maison. J'habite tout près de Ribeaumont. Et elle vit de lundi à vendredi. Elle vient le week-end chez mes parents. Et ils ne sont pas très sympas avec moi parce que... Ils ne sont pas très sympas parce qu'ils n'aiment pas ma réussite, en fait. Ils sont jalouses. Ils sont jalouses. Très jalouses. Et eux, c'était pas que ma vie a changé aussi. Et je n'ai pas compris cette phrase. Et c'était pas... c'était pas ma vie qui a changé. C'était pas ma vie, de moi, de ton artiste. Ouais. Ça a changé, toi. Ouais. Et donc, ils sont jaloux par rapport à ça. Ouais, ça doit pas être gay, ça, de vivre alors avec des filles qui sont jalouses de toi. Oui, c'est pas gay. Donc, je dois un peu m'exprimer, oui, faire des choses, un peu bouger, toi. Ouais, mais t'es dynamique, hein. Oui, je vous dis, j'ai envie de sortir le soir, mais parfois j'ai un peu la frousse quand je sors le soir parce que c'est très tard, parce qu'on peut t'agresser dans les rues, tout ça, t'as tu tombes des gens que tu ne connais pas, et donc voilà quoi. C'est pas très rassurant avec les deux filles qu'on boit un verre, donc c'est pas très rassurant. Non, mais il faut faire confiance aussi. Évidemment, je comprends qu'il faut faire gaffe. Hein, évidemment, oui. Pour tout le monde, c'est comme ça. Il faut toujours un petit peu être sur les gardes, mais oui, ça, que ça t'empêche pas de vivre ta vie aussi. Non, quoi. Non, ça m'empêche pas de vivre. C'est j'ai envie de dire et donc voilà quoi. T'as envie de dire? Oui. J'ai envie de dire parce que moi, j'ai envie de m'exprimer un petit peu avec la force de moi-même. C'est beau, ça, la force de toi-même. Mais oui, profites-en, Marie-Sophie, qu'il y a un micro, qu'il y a des gens qui vont t'entendre pour dire des choses que tu n'as pas l'habitude de dire. Mais oui, vas-y, dis des choses. Mais je n'arrive pas à dire des choses, c'est ça mon problème. Ah bon? Oui, c'est ça, je n'arrive pas à... Je sais dire, je sais écrire. Tu sais peindre? Je sais écrire, ça ne va pas. Je ne sais pas dire en face des autres. Ah non? Non. Tu ne sais pas dire quand ça ne va pas en face de quelqu'un. Oui, c'est ça, oui. Tu sais, il n'y a pas que toi qui n'arrive pas à faire ça. Hein. Ouais, c'est... voilà, quoi. Il y a plein de gens qui ne savent pas dire que ça ne va pas en face d'autres personnes. Oui, c'est ça, quoi. Ça, t'es moche, t'es laide, t'oses de dire ça. Ah ouais, mais non, ça c'est pas très gentil, ça. Moi, je te parlais de quand... Moi, je croyais que ce que tu disais, c'est quand ça va pas à l'intérieur de toi-même. Et bien, du coup, tu... avec quelqu'un, de dire, bah tiens, viens en face de moi, je vais t'expliquer en fait ce qui ne va pas. Non, pas que t'es moche et que t'es laide. Non, ça c'est pas sympa, ça. C'est pas sympa, mais bon, parfois, ça m'arrive. Qu'est-ce qui t'arrive de dire à quelqu'un qu'il est moche? Pas moi, mais c'est à quelqu'un de mes proches, à mon travail. Toi, t'es moche, t'es vieille et tout ça. À toi, ils disent ça sur toi? Oui. Et tu réagis comment quand on dit ça? Retourne à ton pays. En plus, c'est un noir. Ah ouais, en plus, ça tombe bien, alors. Ah oui, c'est des phrases que t'as entendues, ça. Non, pas du tout, mais ouais, j'ai envie de dire... parce que je ne peux pas m'insulter comme ça. Tu dis? On peut pas m'insulter comme ça. Ah ben non, non. Tu ne peux pas insulter les autres et les autres ne peuvent pas t'insulter, évidemment. Parce que, c'est il y a des gens, il y a des personnes qui disent, toi t'es riche. Toi t'es riche? Oui. Moi c'est riche, et moi c'est une trisomique. Tout ce que ça fait, toi, de dire à un trisomique, toi t'es riche. J'ai pas compris. Là, t'as pas compris. Non. Là, une personne te dit, un noir, te dit une trisomique, toi t'es riche. Mais quoi, tu veux dire que c'est une insulte? Oui, c'est une insulte, ça. C'est une insulte pour toi de dire que t'es riche? Oui, c'est ça. Parce que c'est handicapé, même si c'est handicapé, c'est pauvre aussi. C'est-à-dire, des handicapés sont pauvres aussi. Ouais, mais ça oui, mais ça dépend de quelle pauvreté, de quelle richesse on parle, parce qu'on peut être riche matériellement et pauvre dans le cœur. Des sous, c'est ça. Et pauvre dans le cœur. Moi, je parle de cœur, je parle de sous. Moi, j'ai pas beaucoup de sous dans ma poche, moi. Ok, d'accord. C'est ça que je veux dire. Ouais. Mais il y a des gens qui disent, mon père me dit, un handicapé, toi, t'es riche. C'est insultant. C'est insultant pour toi? Oui. D'accord. Mais tu te sens insulté quand quelqu'un te dit, toi, t'es riche. Oui. Bah, tu pourrais lui demander, mais pourquoi tu dis ça? Tu pourrais dire à celui qui te dit ça, pourquoi tu me dis ça? Et alors, du coup, entamer une conversation avec cette personne, plutôt que de partir en guerre à s'insulter. Tu comprends ce que je dis? Oui, je comprends. Mais un peu, j'ai envie qu'ils me comprennent un petit peu, les Noirs. Eh ben justement, pour se comprendre, il faut se parler. Oui, il faut parler, mais il faut vraiment qu'ils comprennent vraiment, parce qu'il y a un sérieux problème à leur cerveau. Hein. Ah bon? Et parce que d'un peu reconnaître l'handicapé, il ne mérite pas ça. De insulter handicapé. Où est l'apparence là-dedans? Où on vit? Mais quelle richesse? Où le mal? Hein, peut me dire? C'est à toi, quand tu te fais insulter, d'essayer de passer au-delà de l'insulte et de discuter avec les personnes, évidemment, pour dire... évidemment, t'as pas choisi d'être handicapé, évidemment. J'ai pas choisi d'être handicapé, mais c'est pas le droit de m'insulter comme ça. Parce que moi, ça me révolte et ça me révulse. Te révulse? C'est ça, oui. Oui. Quoi, d'être en con, les Noirs qui en souffrent handicapés, en disant, toi t'es riche, ou t'es une pauvre, ou t'es une pauvre fiasse. Une pauvre fiasse, là, carrément. Bah oui, comment veux-tu de traiter cette façon? C'est pas le droit de insulter des gens comme ça. C'est insultant vers les autres. Moi, je suis handicapé. Je dois un peu respecter l'handicapé. Ça fait mal. Ça me perturbe beaucoup. Bah oui, quand tu te fais insulter, c'est ça que tu veux dire, évidemment. Oui. Mais est-ce que tu sais, toi, Marie-Sophie, que les Africains, les gens de couleur, les Noirs, comme on dit là, comme on en parle, oui. Tu sais qu'ils ont aussi, qu'ils souffrent aussi, eux? Je comprends aussi handicapé, hein, désolé, hein, les Noirs, où on peut être aimé sans dire que les Noirs, ils souffrent. C'est pas que eux, hein. Non, évidemment, mais tu le sais, ça, qu'il y a l'histoire. Tu connais un peu l'histoire des Africains, Des musulmans, c'est ça? Non, pas spécialement des musulmans, mais l'esclavagisme, tu vois, les colonies, tout ça. Est-ce que tu t'es intéressé à tout ça? Un peu à l'histoire politique? Moi, je suis très intéressée en politique, mais pas ça. Mais je sais qu'il y a le journal de parler le soir. Ah oui, le journal parler le soir, ça t'intéresse? Ça m'intéresse. Ma force, ok, c'est l'attentat de l'aéroport. Oui, bah ça, on en a entendu parler, évidemment. Et il a envie de m'exprimer, donc voilà, quoi. Et si, en fait, à la maison de mes parents, m'empêche de m'exprimer. Ça alors, dis alors, profites-en, hein. J'ai envie de crier tout le moment entier. J'ai envie que tout le monde me respecte entre handicapés. Ou l'apparence de dire. Mais Marie-Sophie, tu crois pas que c'est difficile? Parce que toi, tu me dis si je me trompe, hein. Tu es en contact, regarde, on se connaît pas, on est en lien, toi avec moi, tu m'invites chez toi, je viens voir tes peintures, on discute, on se comprend. Oui. Mais quand même, on voit que physiquement, tu n'es pas comme tout le monde. On le voit sur ton physique. Est-ce que c'est pas super difficile à vivre ça? C'est-à-dire que tu seras jamais comme tout le monde, quelque part. Même si, quelque part, tu peux me rencontrer moi, on discute ensemble, c'est même gay, on se comprend. Ça doit être difficile à vivre, ça. C'est-à-dire que tu seras jamais considéré comme une personne... normale. Ben pour moi, tu es normal puisqu'on discute en échange. Oui, c'est normal. C'est quoi exactement ton anormalité, ton handicap? C'est quoi exactement ton handicap, en fait, par rapport aux gens? Si ce n'est qu'on voit que physiquement, tu n'es pas comme tout le monde. C'est quoi ton handicap? Mon handicap, l'envie de m'exprimer. De dire les choses. Et l'envie que les autres qui comprennent, c'est pas difficile. C'est très difficile, mon handicap. C'est quoi exactement ton handicap, en fait? C'est quoi ton handicap? Est-ce que tu le sais? Oui, je sais. Qu'est-ce que c'est ton handicap? Mon handicap, c'est dur à en parler, mais... Soyons simples. Ça. Oui, faisons simples. C'est quoi ton handicap? Mon handicap? On a déjà parlé, j'imagine, avec ça. T'as peut-être toi aussi posé des questions. C'est quoi ton handicap? Moi, c'est... Mon handicap, c'est dur de parler vers les gens. Et c'est pas lire. C'est ça le plus important. Tu ne sais pas lire? Non, je ne sais pas lire. Est-ce que tu as essayé d'apprendre? Oui, j'apprends à l'école. Et maintenant, j'ai une prof de métier qui vient pour m'aider, préparer mes acquis. Et c'est un peu dur. Et mes parents ne savent pas, donc c'est un peu difficile de m'exprimer les choses, en fait. Et quoi, c'est ça ton handicap alors? Ton handicap, ce serait que tu sais pas lire, que tu sais pas bien dire les choses. Quand en conflit, par exemple, tu sais pas dire en face. Oui, mais ça, il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui sont pas handicapés et qui. J'en souffre. C'est ça qui en souffre pour l'instant. De ne pas dire les choses en face vers la personne. Mais oui, mais ça, il y a plein de gens qui ne sont pas handicapés, qui n'arrivent pas non plus à gérer leurs conflits avec les autres. Moi, tu comprends? Je ne sais pas gérer les conflits que j'ai. J'ai plein de problèmes, je ne sais pas gérer, toi. Et je n'arrive pas à faire ça tout seul, toi. Je peux faire quelqu'un qui campagne. Comme par exemple ma psychologue, Muriel. Elle est là pour m'aider dans ma vie. Et là, dans ma vie, elle m'aide les conflits, toi. Parce que moi, j'ai du mal. Mais t'as quoi comme conflit dans ta vie, par exemple? Un peu de tout. L'apparence à mon travail. Je crois que c'est incapable de faire les choses. Et en fait, tout le monde croit que c'est incapable. Et c'est même pas vrai. C'est si capable. À tout, toi. Mais eux voient que je ne suis pas capable, toi. Et aussi, mon vrai handicap, mon handicap, c'est pas faire aussi. Prends soin de moi. C'est mon handicap, ça aussi. C'est très timide, et c'est pas prendre soin de moi et ma beauté. C'est ça qui... Tu prends pas soin de toi. Non, non. Mais arrête, tu prends soin de toi quand je te vois, là. Oui, je prends un bain tous les jours, pas ça, mais je prends pas soin de moi, ma beauté. Ma beauté de moi, en fait. Mais t'es belle à l'intérieur, t'es belle à l'extérieur, je comprends pas ce que tu veux dire. Je vois pas la beauté en moi. Tu ne vois pas la beauté en toi. Oui, c'est ça qui en souffre. Pour l'instant, parce que personne ne peut comprendre. Je suis en train de vivre. Donc, voilà. Et c'est pas chouette. Donc, voilà. Et je vois pas que je prends jamais soin de moi. Et donc, tout le monde me dit, prends soin de toi, prends soin de toi. J'arrive pas à mettre soin de toi, tu vois. J'arrive pas. T'arrives pas à prendre soin de toi. Non. J'arrive pas parce que je dors, c'est pas d'heure. Le soir, je dors pas. Pourquoi ? Parce que je travaille. Le soir, tu travailles ? Oui, je travaille. Et dans mon lit, je travaille. Parce que j'ai plein de choses à faire. Tu travailles dans ton lit, toi ? Oui, le soir, oui. Mais explique, qu'est-ce que tu fais dans ton lit ? Dans mon lit, j'ai plein de choses à faire pour la radio, un peu de tout. Et aussi, j'ai en train de faire un poème. Un livre de poèmes. À faire un cadeau pour une personne. Chouette, ça. Et j'ai pas dit le nom de la personne. Donc, voilà. C'est un chouette travail dans son lit, alors. Et donc, voilà. Et c'est pas gay. Mais qu'est-ce qui est pas gay ? Si, c'est gay, puisque là, tu fais un chouette travail dans ton lit. C'est très gay, faire ça pour mes talents. Et si oui... tu vois, j'ai envie de m'exprimer que tu vois, des gens qui ne connaissent pas... par exemple, pourquoi tu ne dors pas sorcier, toi ? Tu vois ? Et moi, elle dit, je travaille ! Je travaille ! Donc, voilà quoi. Moi, c'est comme ça. Moi, je travaille la nuit. Et aussi, et dans la journée, quand j'ai fini mon travail dans mon home personne âgée, et... Tu travailles dans un home pour personnes âgées ? Oui, c'est ça, oui. Et tu fais quoi exactement, là ? Un peu de tout. Aider à la cuisine, ranger à la petit-déj, barrasser, faire la vaisselle, t'as tout, en fait. Génial, ça. Et quoi, t'as de l'argent, t'es rémunéré ? Ah oui. Combien cher, beaucoup ? Cher, c'est pas de te dire comme ça, mais c'est 1000 aidés, quoi. Par mois ? Par mois, oui. C'est chouette, ça. C'est chouette. Donc, voilà. C'est ma vie, quoi. La vie, mes talents, mes artistes, tout ça. Et l'envie que m'exprimer les gens qui... dit pas n'importe quoi, sur mon compte. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas les gens qui me critiquent sur moi. Parce que... ça me rend triste. Et je dois comprendre que je vis en fond de moi. Tu t'en penses, toi de là. Mais moi, je trouve que t'as raison, qu'il faut pas te laisser faire, mais qu'il faut pas non plus être parano. Est-ce que tu vois le mot parano ? Oui, oui. Faut pas non plus penser que tout le monde te veut du mal. Que oui, tu es différente, ça c'est clair. Tu changeras pas la donne, si ce n'est que les gens doivent te faire confiance, évidemment, que tu es capable aussi de le faire, ça oui. On doit te laisser libre de grandir, quoi, de faire un petit peu ce que tu veux et d'aller à la découverte de qui tu es, toi. Il faut te faire confiance là-dedans. Oui, en fait, manque de confiance. De moi-même, d'abord, et de mes parents aussi. C'est là que vient le conflit. Il n'a pas confiance en moi. Il a envie qu'elle arrête de dire ça en face de moi, parce qu'il en souffre. Peut-être qu'ils ont un peu peur pour toi, tu vois. Ils ont un peu peur. Pourquoi ils ne disent pas gentiment sans m'engueuler ? Simple. Passe son temps à m'engueuler. Et comment m'as-tu d'exprimer handicapé que c'est incapable de tout, en fait, tu vois. Et il faut qu'ils comprennent un peu mes parents, parce que moi, j'ai sorti de leur ventre. Bah oui. Et elle a failli mourir, en plus. J'ai failli mourir à ma naissance. J'avais une grande cicatrice ici, au ventre. Et j'ai envie de dire, donc voilà. Parce que j'ai cet énorme au ventre, là. J'ai failli rester sur la table. Donc, ça me fait quelque chose, tu vois. Donc, voilà. Eh bien, je ne sais pas de quoi tu aurais encore envie de parler, Marie-Sophie. Qu'est-ce que tu aurais envie de parler comme ça, spontanément L'envie de dire... avec faire confiance en moi. Et l'envie... c'est mon rêve le plus cher. Mon rêve le plus cher d'être... Mon rêve de moi, l'envie, c'est être heureuse. Comme les autres. Comme les autres femmes. C'est ça, l'envie. L'envie d'être heureuse comme les autres femmes. Pas qu'on... qu'on considère une petite fille. L'envie d'arrêter de me parler d'une gaminerie. L'envie d'être responsable de moi-même. L'envie d'être heureuse dans ma vie. Actif et personnel. C'est ça le plus important. L'envie de dire à les gens qui m'entendent que l'envie de leur dire, c'est mon rêve, être heureuse. Être heureuse d'être handicapée, être heureuse de moi-même, et envie de voir ma beauté. C'est ça, de m'exprimer devant tous les publics qui m'entendent. L'envie que de dire qu'elle est handicapée, mais c'est pas heureuse avec mon handicap. Mais l'envie d'être heureuse, comme les autres femmes, être amoureuse, comme les autres femmes, de s'aimer soi-même. C'est le plus important qu'il soit. Et là-dedans, ma psychologue, et j'avais envie de dire à ma psy, merci que tu l'as fait pour moi. Et ça me touche au profond de moi. Donc voilà. Et donc j'ai envie de dire à ma psy, merci, merci, merci. Parce que c'est grâce à elle tout ça. C'est grâce à elle de m'aider, de soutenir le moral et tout. C'est grâce à ma psychologue. Et à toi aussi, grâce à toi aussi. Et grâce à moi aussi. J'ai envie de dire... J'ai envie de dire, m'exprimer devant elle. Merci, tout est à fait pour moi. Ça me touche énormément à ma psychologue. Tout ce qu'elle a fait pour moi, ça me touche. Elle m'a appris plein de choses. Beaucoup de talent qu'elle a pour moi. Je suis handicapée et je veux dire ça à ma psy. Que je l'aime très fort. En pensant, vraiment. Et que j'ai envie de dire parce que... Tout ça, c'est grâce à elle. Parce que c'est un grand merci de sa part. D'accord, merci beaucoup. C'est vraiment énormément cadeau qu'elle me fait là. Ouvrir son cœur à moi, ça me touche énormément. Donc voilà. Super ça, Marie-Sophie, dis donc. C'est une déclaration d'amour ça. Non. Un petit peu quoi. Non, pas du tout. Dire qu'on aime bien quelqu'un, ah, comme non, ça, c'est un peu... C'est pas une déclaration, mais c'est pas une déclaration du tout. C'est de m'exprimer tant, pas une espèce de déclaration d'amour, mais c'est pas ça. Mais ça pas... Il y a pas de mal il y a pas de mal à déclarer son amour pour... Non, seulement c'est ma psychologue, elle peut pas imaginer des choses, toi. Ah non, mais j'imagine rien. Mais pour moi, on peut déclarer des choses, on n'est pas simplement obligé de déclarer son amour à un amoureux, hein. On peut déclarer son amour à son chien, à un tableau, à son enfant, tu vois, c'est pas simple, il n'y a pas de mal avec ça. Hein. Non, c'est pas un sentiment, des choses comme ça, quoi. C'est des sentiments pour une personne, quoi, ça veut dire. Mais voilà, quoi. Bon, ben, c'est la fin. Ah, dommage, j'ai bien aimé ça, donc voilà. On termine. Je te remercie beaucoup, Marie-Sophie, de m'avoir accueillie chez toi, comme ça, en toute confiance. C'est chouette, quoi. Voilà, on s'est compris, on se comprend. C'est quand même gai, ça, de rencontrer des nouvelles personnes. De dire les choses, de parler. Et donc, voilà. M'exprime avec tout le monde, tout mon tendresse, ma tendresse handicapée de que j'en souffre beaucoup, énormément. J'ai envie que tout le monde m'aide par rapport à ça. Et c'est pas gai à vivre avec ça tout seul. J'ai envie que quelqu'un qui m'aide. C'est grâce aussi à ma psychologue aussi. Oui, t'es bien entourée, quoi. T'es quand même bien entourée, t'es pas toute seule. C'est pas toute seule, mais à souffrir. Mais ça, non, ouais, je préfère... Souffrir à plusieurs. Mais tu fais aussi du journalisme, hein. T'es aussi journaliste, toi. Oui, aussi, oui. T'as envie d'en parler un peu? Non, pas la radio, un petit peu, mais... De quoi dire, en fait. Bah, c'est aussi un peu genre un travail, t'es un peu... C'est aussi un peu ton travail d'être journaliste. Oui, aussi. C'est un beau travail, ça. J'ai envie de quitter mon travail, mais là, j'ai envie de plus à la radio. Ah ouais, si tu pouvais choisir, évidemment, tu choisirais la radio. La radio, mais non, finalement, j'ai choisi les 3 000, quoi. Mais, j'ai pas compris. Je disais que... L'envie de quitter mon travail au 3 000, mais j'ai la radio, toi, mais de faire un choix. Et ce choix, j'ai fait les 3 000 plutôt que la radio. C'est normal, la radio, ça rapporte pas d'argent non plus, non? Oui, ça rapporte pas d'argent, ça coûte pas dans les rues non plus, donc. Non, voilà, quoi. Donc, c'est un vrai travail au 3 000 et il restera toute ma vie. Eh bien, je te remercie, Marie-Sophie. Donc voilà, c'est fait et merci encore de m'inviter à exprimer la radio, radio, campus, mais micro ouvert, c'est ça.